Et quand il a quitté cette terre, il a poursuivi son ministère dans la vie des croyants. Chaque croyant est donc un représentant du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes aussi ses co-ouvriers. Tournons maintenant dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voilà ce que Dieu a décidé de faire dans le siècle où nous vivons. Il a décidé de nous racheter de nos péchés. Il a décidé de demeurer en nous par son Saint-Esprit. Il a décidé de travailler en nous et par nous afin d'accomplir son plan de rédemption sur la terre. C'est pourquoi il nous dit que nous travaillons avec lui. Nous sommes ses partenaires. En d'autres mots, Jésus, le Fils incarné de Dieu, après avoir marché sur la terre parmi les hommes, est remonté vers le Père. Il vit maintenant à l'intérieur de nous par son Saint-Esprit et il exprime, par notre intermédiaire, son ministère sur la terre. Et selon ce qui est écrit dans ce passage, nous savons que nous sommes les collègues de travail et les co-ouvriers du Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, afin de nous permettre de devenir ses collègues de travail, Jésus-Christ a dû accomplir plusieurs choses. Le Saint-Esprit, qui demeure en nous, a conçu, choisi, donné, livré et identifié pour chaque croyant au moins un don spirituel. Cela veut dire que tout enfant de Dieu a reçu de lui un don, lui servant à œuvrer dans un aspect de sa vie et d'une certaine manière pour le royaume de Dieu. Permettez-moi de le répéter. Un don particulier a été choisi pour chaque croyant et accordé à chacun d'eux par l'Esprit de Dieu afin que les co-ouvriers et collègues de travail de Jésus-Christ puissent le servir dans le royaume de Dieu. Chaque croyant, chaque croyante a par conséquent reçu au moins un don ou un talent. Dieu considère notre personnalité, il considère nos talents et nos dons spirituels et il les combine pour faire de nous des serviteurs et des servantes utiles et efficaces pour son royaume. En fin de compte, nous sommes sauvés pour glorifier Dieu et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous travaillons avec lui. L'Esprit de Dieu exprime donc premièrement sa puissance par notre caractère sanctifié et le fruit que nous portons. Deuxièmement, il l'exprime par nos œuvres, c'est-à-dire par des œuvres accomplies avec les dons accordés par Dieu, qu'il s'agisse d'un don d'administration, d'un don de service, d'un don de compassion, d'un don de libéralité, d'un don de prophétie, d'un don d'exhortation ou d'un autre type de don. Chaque personne ayant cru en Jésus-Christ a reçu au moins un don de son Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné cela? Parce qu'il a du travail pour nous. Et pourquoi le Saint-Esprit est-il venu vivre à l'intérieur de nous? Pour libérer cette énergie, cette autorité et cette sagesse divine et surnaturelle en nous et à travers nous. Parce qu'il a du travail pour nous. Un don spirituel consiste en une habileté particulière qui nous est donnée par Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu et que vous n'avez aucune idée du don que vous avez reçu, il est temps pour vous de le découvrir. Regardez ce verset dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » A-t-il dit « que certains d'entre vous » Non, il a dit « que chacun d'entre vous ». Il apparaît très clairement dans ce passage que chaque croyant reçut un don de Dieu. Et pourquoi le croyant a-t-il reçu ce don? Pour accomplir ses ambitions personnelles ou assouvir sa soif de pouvoir? Non, pour mettre ce don au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dieu nous a équipés pour le servir et pour que nous servions les autres. Nous avons été sauvés par grâce et non par des œuvres. Or, nous avons été sauvés pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous sommes son ouvrage. Nous ne travaillons donc pas grâce à nos propres habiletés et à nos propres talents, mais grâce à l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous. Rappelons-nous que Dieu est la sève qui circule dans la vigne et dans le sarment pour produire ultimement du fruit. Si nous utilisons un langage plus spirituel, disons que le Saint-Esprit vit et travaille en nous pour produire une œuvre par sa puissance divine. Dieu nous a élus et sauvés au prix fort. Notre salut lui a coûté son Fils uniquement engendré, Jésus-Christ. Et il nous a non seulement pardonné notre péché, mais il a inscrit notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Cela signifie que nous sommes à jamais ses enfants par adoption. Tous nos péchés ont été expiés par le sang de Jésus-Christ, répandu pour nous sur la croix. Il nous dit, « Je t'ai créé afin que mon nom soit glorifié par toi et à travers toi. Maintenant, je te donne mon Saint-Esprit et la même puissance spirituelle avec laquelle Jésus-Christ a accompli ma volonté alors qu'il marchait sur la terre réside maintenant en toi. Tu es donc aujourd'hui capable de faire tout ce que je te demanderai. Tu possèdes tous les moyens d'accomplir une œuvre qui me glorifiera. » Comme il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qu'il fera. Dieu accomplira en nous et par nous l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Quelle excuse nous reste-t-il, alors, pour ne pas servir Dieu? Où pouvons-nous trouver un passage dans la Bible qui nous donne le droit de lui refuser notre service? » Ceux qui décident de persister dans leur désobéissance devront en assumer les conséquences. Mais si vous décidez de lui obéir, l'Esprit de Dieu qui demeure en vous et qui est disposé à exprimer dans votre vie son énergie, son autorité et sa sagesse divine, pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel pour Dieu, vous permettra de découvrir les raisons pour lesquelles il vous a créé. Et ce n'est pas tout. Dieu sauvera et amènera à son service et pour sa gloire d'autres personnes à travers votre ministère. Dieu désire que son royaume s'étende et conduise des millions et des millions de personnes à une connaissance du salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a donné nos dons, nos talents et nos capacités. Nous avons donc le choix entre devenir les instruments à travers lesquels Dieu travaillera pour accomplir son plan ou être rejeté comme un déchet inutile. Vous êtes donc doué, mais si vous n'utilisez pas votre don, vous le perdez. Si je décide d'attacher mon bras dans mon dos et de ne plus l'utiliser, je sais ce qui va arriver. Je me rappelle d'un accident dans lequel je m'étais déchiré des cartilages au genou. J'ai eu la jambe dans le plâtre jusqu'au pied pendant environ 6 semaines. Et le jour où le médecin a enlevé mon plâtre, j'ai regardé ma jambe et elle n'était pas plus grosse que mon bras. Cela m'a fait très peur. Pourquoi était-elle devenue aussi frêle? Parce que je ne l'avais pas utilisée. Vous savez, certains d'entre vous pourraient regarder leurs talents, et si vous étiez vraiment honnête avec vous-même, je dis cela avec tout l'amour que Dieu me donne, si vous regardiez votre don spirituel, vous verriez qu'il ressemble à un gros pruneau tout ratatiné, sans aucune vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas laissé l'Esprit de Dieu contrôler votre vie. Il ne vous a pas créé pour embellir le décor, il vous a créé pour le servir. Je ne sais pas où nous avons pris l'idée selon laquelle le prédicateur qui parle du haut de son estrade est un serviteur, tandis que les gens assis dans les bancs à l'écouter sont des membres. Où avons-nous été pêchés cette idée? Nous sommes tous co-ouvriers et collègues de travail. Une puissance énorme existe en chacun de nous et elle désire exprimer le caractère de Dieu en nous utilisant comme ses instruments. Voilà en quoi consiste l'œuvre du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui désire accomplir l'œuvre et la volonté de Dieu à travers nous. Quelle excuse avons-nous? Nous n'avons aucune excuse de ne pas servir Dieu. Dieu vous a accordé au moins un don pour accomplir une œuvre. La question est de savoir si vous avez déjà pris le temps de demander à Dieu ce qu'il voulait que vous fassiez. Car si vous ne faites rien pour le royaume de Dieu, vous êtes une charge inutile et vous mettez un fardeau supplémentaire sur le reste de l'Église. Et je puis vous assurer d'une chose, vous ne pouvez pas faire cela et être en même temps rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi, je vous en prie. Je vous dis cela parce que je vous aime. Dieu le sait. L'intention de ce message est de vous persuader de marcher avec obéissance devant Dieu afin de vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Ne restez pas assis où vous êtes si vous ne faites rien. Vous ne pourrez jamais être rempli du Saint-Esprit simplement en allant à l'Église, en lisant un peu votre Bible, en priant et en donnant un peu d'offrande, sans servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que vous devriez nécessairement enseigner ou être responsable de la louange, ou même chanter dans une chorale. Je ne dis pas non plus que vous devez absolument avoir un travail spécifique et reconnu dans l'Église. Non, servir Dieu, c'est par exemple livrer votre témoignage à des gens qui sont perdus, ou avoir un ministère de service envers des gens qui sont dans le besoin. Reconnaissez en utilisant votre don que vous servez Dieu. À ce moment, vous n'accomplissez pas seulement une bonne action, vous honorez Dieu. Vous faites fructifier votre talent. Vous ne serez jamais rempli de l'Esprit en gardant pour vous vos talents, votre temps et votre énergie. Vous connaissez l'excuse que j'entends le plus souvent? « Pasteur, je suis tellement occupé. » Voulez-vous vraiment me laisser croire que le Dieu qui vous a créé, qui donne à chaque cœur son prochain battement, qui vous donne votre prochaine respiration et qui vous a donné tout ce que vous avez, ne vous a pas donné tant de le servir avec les 7 jours que compte la semaine et ses 24 heures par jour? Suis-je tellement imbu de moi-même et de mes propres plans? Suis-je tellement absorbé par mon propre horaire et par ce que je désire faire? Suis-je tellement occupé que je n'ai pas de temps consacré à Dieu? Quand je pense à ce genre de personnes trop occupées, cela me donne envie de pleurer. Voici pourquoi j'assiste à un gaspillage de talents, d'habiletés et de dons spirituels. C'est bien dommage. En plus de cela, ce qui me chagrine, c'est que vous vous tiendrez un jour devant Dieu pour rendre compte de votre vie, une vie que vous aurez gaspillée à croire que, au moment venu, vous alliez être en mesure de convaincre Jésus-Christ que vous avez fait de votre mieux. Écoutez-moi très attentivement. Et je le dis de tout mon cœur, vous faites partie du royaume de Dieu. Dieu est votre sauveur, Dieu est votre Seigneur, Dieu est votre vie. Vous lui appartenez. Il a parfaitement le droit de vous dire ce que vous devez faire dans votre vie, quand vous devez le faire et comment vous devez le faire. Car voyez-vous, il peut y mettre fin quand et comment il le veut en une fraction de seconde. J'aimerais maintenant vous poser une question. Les Écritures n'ont-elles pas dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que nous avions tous reçu des dons et que nous devions utiliser ces dons au service des autres? La question est maintenant de savoir ce que vous faites de cette consigne de Dieu. Vous avez reçu de Dieu des dons pour servir votre prochain d'une manière ou d'une autre. Si j'arrivais au crépuscule de ma vie, et qu'en regardant en arrière, je ne voyais que des œuvres en bois, en foin ou en chaume, des œuvres qui seront détruites au dernier jour. Je n'aimerais pas penser que je devrais me traîner dans l'éternité en m'excusant devant le Dieu très saint pour une vie gâchée, à faire seulement ce qui me plaisait. Il existe un nom pour ce genre d'attitude : péché. Il n'existe pas d'autre nom pour cela. Il ne s'agit pas d'une erreur, d'une faute, mais bien d'un péché. Il ne s'agit pas d'une négligence ou d'ignorance, mais d'un péché. Et il n'existe qu'un moyen de s'en débarrasser. Se repentir en s'exprimant par exemple en ces termes. Seigneur, j'ai entendu ce message aujourd'hui. Je décide de changer mon attitude et mon mode de vie. Je ne veux plus gaspiller ma vie, Seigneur Dieu. je veux qu'elle soit pour toi, entièrement pour toi, pour ta gloire. Amen. Dieu a doté chaque croyant de dons et de talents uniques pour leur permettre de le servir plus efficacement en servant les autres. Exercez-vous vos habiletés spirituelles? Charles Stanley nous a affirmé que nous n'avons pas reçu nos aptitudes particulières pour faire preuve d'arrogance ou d'élitisme, mais plutôt pour les utiliser afin de glorifier Dieu et aider les personnes qui nous entourent. Nous pouvons utiliser les talents que Dieu nous donne de trois façons décrites dans la parabole des mines, racontée dans l'Évangile de Luc chapitre 19 et dans celle des talents au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Premièrement, nous pouvons refuser de reconnaître l'autorité royale et faire comme si Jésus-Christ n'existait pas, comme ceux qui disent, dans Luc verset 14, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Il s'agit de ceux qui refusent de croire en la seigneurie de Jésus-Christ sur leur vie. Ils subiront le sort décrit au verset 27. « Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Ils iront dans la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, le dépotoir éternel des ordures inutiles. » Deuxièmement, nous pouvons reconnaître l'autorité du Maître sans faire fructifier nos dons et talents pour le royaume de Dieu. Il s'agit de chrétiens charnels et leur sort est inscrit au verset 26. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ils conserveront la vie éternelle, mais rien de plus. D'ailleurs, ils vivent dès maintenant une vie dénuée de bénédictions divines, parce qu'ils refusent d'accomplir les bonnes œuvres préparées d'avance pour eux. En refusant de marcher par l'Esprit, ils vivent dès maintenant une morne existence qui se poursuivra dans l'éternité et qui est décrite dans Matthieu 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Troisièmement, nous pouvons être des serviteurs fidèles, ceux qui portent du fruit et à qui le Maître dira ces douces paroles de Matthieu, chapitre 25, verset 23. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Dans quel groupe désirez-vous passer l'éternité? Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.